comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette cinquième émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau sur nos ondes aujourd'hui. Je me permets de remercier spécialement toutes celles et ceux qui sont à notre antenne depuis le tout premier épisode, alors que notre émission a commencé au début du mois de septembre dernier. Évidemment, je souhaite aussi une bienvenue spéciale aux auditeurs qui nous écouteraient pour la toute première fois depuis le début du cours. Et j'en profite pour rappeler tout de suite que si vous avez manqué un épisode précédent, tous les épisodes sont archivés sur Internet Archive. Avant de commencer avec la rencontre d'aujourd'hui, je dois prendre quelques secondes pour corriger un important lapsus concernant le film Shadow de Chang Yimou, dont je vous ai brièvement parlé la semaine dernière. Ceux qui étaient attentifs ont certainement remarqué l'erreur, alors que j'ai indiqué que le film avait été réalisé en 2028, ce qui, évidemment, n'est pas possible. Même si parfois on rêve de vivre dans un futur proche, avant que les événements ne se produisent, le film a bel et bien été réalisé en 2018 et non en 2028. Et j'en profite aussi pour remercier une fidèle auditrice pour avoir attiré mon attention sur cet important détail. Merci Stéphie. Aujourd'hui donc, c'est une journée très spéciale. D'abord, parce que nous continuons pour une troisième semaine consécutive avec le choix d'une thématique particulière pour encadrer l'émission. Par contre, et c'est ce qui fait de la rencontre d'aujourd'hui une source de fébrilité particulière pour moi, ce n'est pas moi qui ai choisi le thème de la journée. En fait, le thème de la journée s'est imposé de lui-même, tout simplement parce que nous sommes rendus à ce moment précis de l'année. C'est en effet à cette époque de l'année qu'on retrouve une fête parmi les plus importantes qui rythment le calendrier chinois depuis des lustres. Et non, je ne veux pas parler de la fête nationale qui a eu lieu le 1er octobre dernier. Je veux plutôt parler d'une fête qui s'inscrit dans le rythme des saisons. Et c'est une fête qui aura lieu au début de la semaine prochaine. Ceux qui connaissent bien la Chine auront tout de suite compris de quelle fête il est question. Et vous aurez bien sûr deviné que le thème de la rencontre d'aujourd'hui, c'est la Lune. Pour celles et ceux qui n'avaient pas deviné du premier coup, ce n'est pas si grave, vous aurez l'occasion de vous reprendre. Et de toute façon, la question ne sera pas à l'examen, alors soyez rassurés. J'ai choisi le thème de la Lune parce que lundi prochain, le 6 octobre, aura lieu le Festival de la Lune, ce qu'on appelle en chinois « Chungqiujie », soit la fête du milieu de l'automne. Il s'agit de l'une des fêtes venant célébrer les récoltes, et c'est une fête parmi les plus importantes du calendrier lunaire chinois. On retrouve d'ailleurs des variantes de cette fête dans plusieurs autres pays asiatiques, dont la Corée, le Japon et le Vietnam. Le thème de la Lune permet non seulement de parler de cette importante fête, sur laquelle je reviendrai plus tard dans l'émission, mais c'est aussi un thème très approprié pour parler de l'actualité en Chine. Si on parle de la Lune, il faut bien sûr prendre le temps de glisser quelques mots sur le développement du programme spatial chinois. Sans entrer dans tous les détails de l'histoire, disons d'abord que le programme spatial chinois est né en 1956, à une époque où la collaboration avec l'URSS était encore très importante, soit juste avant la rupture de leurs relations, à la fin des années 1950 et au début des années 1960. En fait, c'est en 1970 qu'on enregistre les premiers accomplissements significatifs, alors que la Chine est parvenue à envoyer son premier satellite dans l'espace, un satellite nommé Tongfang Hong, ce qui signifie « l'Orient est rouge ». La Chine est alors devenue le cinquième pays du globe à réussir cet exploit, après l'URSS, les États-Unis, la France et le Japon. Et au final, la Chine va réussir à envoyer une cinquantaine de satellites dans l'espace entre 1970 et 1999. À partir de 1999, le programme spatial chinois est entré dans une nouvelle ère, avec les premiers essais de la fumée Shenzhou, qui signifie le vaisseau divin. C'est avec la fusée Shenzhou 5 que la Chine est parvenue, à l'automne 2003, à envoyer un homme dans l'espace pour la première fois. Il s'agit de Yang Liwei. Par la suite, il faudra attendre le lancement de la fusée Shenzhou 9 en 2012 pour y voir une première femme chinoise dans l'espace. Celle-ci se nomme Liu Yang. Le projet spatial chinois avait plusieurs objectifs, dont celui de se rendre sur la Lune. Et c'est en 2013 que la Chine y est parvenue, en envoyant un véhicule d'exploration lunaire nommé le Lapin de Jade. Par la suite, en 2019, la Chine est devenue le premier pays à explorer la face cachée de la Lune. Et l'année suivante, soit en 2020, elle parvint à envoyer un véhicule d'exploration sur la planète Mars. D'importants progrès ont été réalisés jusqu'ici dans l'exploration de l'espace. Et plusieurs découvertes sont encore à venir, notamment grâce à la construction de la station spatiale chinoise qu'on appelle le Palais du Ciel, Tiangong, en 2021-2022. Cette station spatiale se veut un important laboratoire scientifique et ce n'est qu'une étape pour les projets d'exploration à venir. Parmi les projets à venir du programme spatial chinois, on parle d'aller marcher sur la Lune, de poursuivre l'exploration de la planète Mars, ainsi que d'autres endroits du système solaire, dont les lunes de Jupiter. Les visées du programme spatial chinois ont considérablement évolué depuis ses premiers balbutiements dans le contexte de la guerre froide. De manière générale, le programme a toujours été présenté en ayant comme seul objectif un développement pacifique et des progrès scientifiques qui seraient bénéfiques pour toute l'humanité. Gardons tout de même les pieds sur Terre et ne perdons pas de vue que les rivalités qui existent ici-bas se transposent bien souvent là-haut, même si nous ne les voyons pas. Par exemple, la Station spatiale internationale à laquelle le Canada ainsi qu'une quinzaine de pays participent régulièrement n'a jamais vraiment ouvert ses portes à la Chine. Cette absence de collaboration dans l'espace est une autre facette, un peu plus méconnue celle-là, de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Ce serait en réponse à ce refus de coopération de la part de la NASA pour la Station spatiale internationale que les Chinois se seraient lancés à fond dans un programme de construction de leur propre station spatiale, devenant le fameux Palais du Ciel. Je m'arrête ici par contre sur cette question, puisque le thème de la journée, ce n'est pas la guerre des étoiles prise deux. Le thème de la journée, c'est la Lune. Et s'il y a une chose importante à ne jamais oublier, c'est que la Lune n'appartient pas aux puissances politiques rivales, et encore moins aux voleurs comme Grou, qui rêvent en secret de voler la Lune, juste pour prouver au monde leur grandeur. La Lune appartiendra toujours davantage aux rêveurs, aux poètes et aux amoureux. Et à cet égard, la première chanson que je vous offre aujourd'hui s'imposait d'elle-même. Puisqu'il faut toujours rendre à César ce qui lui revient, même quand on se trouve dans un cours sur l'histoire de la Chine, il n'y a aucune chanson dans tout le répertoire chinois qui arrive à la cheville et qui parvient à chanter le fait que la Lune appartient aux amoureux, mieux que cette ballade de Teng Li Chun, mieux connue sous le nom de Teresa Teng, Yue Liang Tai Piao Wo Di Xin. Les paroles de la chanson sont très simples et sans ambiguïté. Tu veux savoir à quel point je t'aime? Tu veux connaître la fermeté de mes paroles et de mon engagement? C'est très simple. Vas-y voir où ce que tu veux. Regarde la Lune, elle représente mon cœur. Voici donc l'une des ballades chinoises, parmi les chansons les plus écoutées de tous les temps, chantée par Teresa Teng. Voici Yue Liang Tai Piao Wo De Xin. Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire. Et c'est avec cette chanson de Teresa Teng qui chantait à l'instant « La lune représente mon cœur » que nous sommes prêts à plonger dans le deuxième chapitre de notre récit intitulé « L'histoire de Chine à dos de tortue ». Avant de nous lancer, par contre, résumons brièvement ce dont nous avons parlé précédemment. Nous avons vu que les nombreuses découvertes archéologiques qui ont été faites depuis le début du 20e siècle ont enrichi considérablement la compréhension que nous avons de l'Antiquité chinoise, notamment en ce qui a trait à la diversité des cultures du néolithique, à l'origine de l'écriture et au développement de la royauté. On a vu le développement de l'institution de la royauté à partir de la dynastie Shang, devenant le modèle de domination sociopolitique par excellence sous la dynastie Zhou. Les Zhou ont développé une représentation théorique du pouvoir afin de sortir celui-ci de l'emprise des luttes fratricides. Cependant, malgré un effort tout à fait louable visant à renforcer l'unité politique de la Chine, le résultat fut de plonger le monde chinois dans une période marquée par plus de fragmentation et une plus grande dispersion territoriale. L'unité de la Chine ancienne est marquée non seulement par le développement de cette institution politique de la royauté, mais aussi par des rituels funéraires qui mettent en valeur l'utilisation du jade, l'émergence d'un système d'écriture nommé le Tiagouen, ainsi que le renforcement des relations économiques soutenues entre différents ensembles culturels. Tout ceci contribue à renforcer la symbolique des pays du milieu, ce qu'on désigne sous le vocable de Chungguo. Cette unité symbolique partagée permit le renforcement d'un système de vassalité qui reposait sur l'attribution de terres en échange de responsabilités et d'une loyauté proportionnelle. Ce système devint le cœur de la royauté politique de la période des printemps et automnes, avec le Wang, c'est-à-dire le roi, à son sommet. Nous avons vu que plus on avance dans le temps, plus les modalités de la légitimation politique sont devenues abstraites, alors qu'on référait de plus en plus au ciel, Tian, plutôt qu'aux ancêtres pour légitimer le pouvoir. C'est d'ailleurs, on s'en souvient, la raison qui avait été invoquée par les Zhou pour renverser les Shang, disant qu'ils avaient perdu le mandat du ciel. Ainsi, la conceptualisation et la théorisation de la royauté, c'est un effort qui visait d'abord à séparer le pouvoir des luttes fratricides, mais puisque les prérogatives du pouvoir devenaient de plus en plus abstraites, c'est une dynamique qui a ouvert la porte à une interprétation et donc à une contestation presque sans fin du pouvoir. Par ailleurs, en renforçant les réseaux d'échanges économiques, le développement de l'État a aussi contribué au renforcement des autorités régionales sur lesquelles il devait pourtant s'appuyer pour exister, ce qui a contribué à augmenter les rivalités entre le centre et les périphéries, qu'on appelle des principautés. À l'époque des printemps et automnes, les principautés rivalisaient entre elles pour s'arroger les faveurs et les privilèges issus du pouvoir central. Et plus on avance dans le temps, plus la situation s'aggravait, plongeant la société de l'époque dans une crise de la noblesse, alors que les valeurs honorables qui semblaient avoir guidé la conduite des puissants s'effritaient au profit de considérations pécuniaires et de l'appât du gain. Ainsi, la crise de la fin de la dynastie Zhou est marquée par une contradiction qui allait en grandissant, entre des coutumes ancestrales reposant sur la morale, l'honneur et le prestige, et des besoins matériels liés à une dynamique de rivalité et de guerre soutenue, impliquant un calcul rigoureux des ressources, des armées et des populations. Cette crise des valeurs sociétales exprime une importante dualité qui confère à l'ensemble de l'histoire de la civilisation chinoise une signification particulière. La fin de l'époque qu'on appelle les printemps et automnes est en effet marquée d'un pluralisme politique et d'un polycentrisme territorial, entre une multitude de principautés rivales, tout en témoignant d'une certaine unité de civilisation, marquée à la fois par des pratiques sociales partagées, ainsi que par l'émergence d'une conscience culturelle symbolisée par l'institution de la royauté, venant accentuer cette unité. Ainsi, c'est à cette époque formatrice de l'histoire de la Chine qu'on voit se développer le concept de Chungguo, comme étant fondamentalement ce qu'on pourrait résumer par l'expression de l'unité dans la pluralité. C'est-à-dire qu'on retrouve des pratiques culturelles, sociales, politiques et économiques qui sont de plus en plus partagées par des ensembles culturels originellement distincts. Voilà donc pour notre bref résumé du premier chapitre et nous sommes prêts à ouvrir le deuxième chapitre qui s'intitule « Aux origines de la pensée chinoise ». Le deuxième chapitre est divisé en quatre sections différentes. On retrouve dans un premier temps les royaumes combattants et les sans-école, une section qui sera ensuite suivie par les fondements du système de pensée chinois, Ce qui nous conduira au troisième point, soit la valeur allusive de la langue chinoise. Puis, nous compléterons ce chapitre avec une section dédiée à Confucius, l'homme et son enseignement. Alors, commençons tout de suite notre deuxième chapitre intitulé « Aux origines de la pensée chinoise » avec la première partie qui porte sur les royaumes combattants et les sans-école. Le bref rappel que nous venons de faire au sujet du premier chapitre était essentiel, puisque c'est dans ce contexte que nous entrons dans la période des royaumes combattants, ou Changguo, une période qui dura de 453 à 222 avant notre ère. Essentiellement, la période des royaumes combattants reproduit la même trame que ce dont nous avons parlé pour la période précédente. En fait, il n'est pas exagéré de considérer le fait que la période Changguo constitue tout simplement une intensification des dynamiques reconnues à la fin de la période Chunqiu, surtout depuis le déménagement de la capitale des Zhou en 771 avant notre ère. On retrouve effectivement un morcellement de l'autorité centrale et un effritement du pouvoir au profit des périphéries. Tout cela s'ajoute à un effritement des valeurs de la noblesse et à une intensification des rivalités entre les chefs des principautés, qui sont des grands princes ou des seigneurs, mais qu'on appellera désormais des hégémons. Une dynamique guerrière s'installe et devient omniprésente, alors que les rivalités, les tensions et les affrontements entre les principautés vont en s'intensifiant. Même si on peut dire que, fondamentalement, la période Changguo est le prolongement des dynamiques de la période Chunqiu, on doit noter tout de même quelques différences fondamentales entre les deux périodes. D'abord, il est bon de mentionner que plusieurs de ces différences entre les deux périodes sont liées à la transition qui nous fait passer de l'âge du bronze vers l'âge du fer, qu'on situe aux environs de 600 à 500 avant notre ère. Cette transition entraîna des changements considérables à tous les niveaux de la société. On remarque, par exemple, l'apparition de nouveaux outils aratoires utilisés en agriculture, ainsi que de nouvelles armes comme les arbalètes, les piques et les hallebardes. Parmi les changements significatifs de l'époque des royaumes combattants, liés à la transition vers l'âge de fer, on note aussi une importante transformation des rapports socio-économiques, notamment en lien avec le développement des mines, des fonderies et des réseaux d'échanges qui leur sont associés. De manière générale, le rôle des marchands devint accru, faisant de ceux-ci une classe sociale incontournable. Et, signe de cette importance croissante des marchands, on enregistre une diversification des activités économiques dans chacune des principautés et une vitalité du commerce et des échanges pour des productions variées comme le textile, les céréales, le sel, les métaux, le bois, etc. Les marchands se trouvaient donc aux premières loges de ces transformations, faisant passer la Chine de l'époque Chunqiu à l'époque Changguo, et ils ont contribué à l'enrichissement des principautés en répondant à la diversité des besoins de la multitude d'États qui se développaient alors. Avant de poursuivre notre récit historique, il est temps pour nous de se tourner à nouveau vers la Lune qui est, je le rappelle, notre thème du jour. Et sur ce point, j'ai choisi une pièce musicale que vous connaissez déjà partiellement, puisque c'est de cette pièce qu'est tiré le thème musical choisi pour notre émission à la radio. La pièce en question s'intitule « Zhou Shou Zhi Yue », soit « La main gauche pointe en direction de la lune ». C'est une pièce qui est tirée d'une série chinoise datant de 2018 intitulée « Les cendres de l'amour ». Soit Xiangmi Chen Chen Tin Zhu Shuang. Comme je l'ai si bien appris cette semaine, devant le feu, Mardi soir dernier, lors de la grande marche pour la réconciliation qui avait lieu à Trois-Rivières, la main gauche, c'est la main du cœur. Alors cette brève pièce de musique est parfaitement appropriée pour notre thème du jour. C'est un rappel pour nous, aujourd'hui, à l'effet que la lune soit, de tout temps et en tout lieu, le sanctuaire des amoureux, et qu'elle ne devrait pas être vue comme un objet de convoitise pour des puissances politiques rivales. Voici donc Zhou Shou Chuyue, la main gauche pointe en direction de la lune, interprétée par Cui Tianhui.